posé la question tout à l'heure. En principe, on a aussi découvert que le logiciel des Africains, certains Africains, il faut préciser, reste toujours dans ce formatage d'esclavage, traite négrière, colonisation, impérialisme et des traumatismes de ces 75 dernières années où la plupart des leaders qui ont fait face à l'Occident, comme les Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba ou Niobe, ont été liquidés. Donc, il y a un manque de courage à affronter cette épreuve-là, c'est-à-dire la contradiction nécessaire qui voudrait qu'on dise à l'Occident que non, mais vous exagérez quand même dans cette industrie criminelle. Écoutez, il y a tout d'abord le fait que l'Occident, le bloc américain occidental, parce que ce qu'on appelait jadis la civilisation occidentale, elle est morte en Occident bien avant la Renaissance. Le bloc américain occidental, c'est-à-dire la civilisation capitaliste qui s'est développée sur l'esclavage et ensuite sur le colonialisme, il y a un livre qui est sorti il y a quelques mois qui explique comment c'est la suppression de l'esclavage qui a conduit directement au colonialisme. Ce bloc américano-occidental, il est basé sur le mensonge, le double discours. Vous écoutez Joe Biden il y a quelques jours, il vous tient un discours messianique où il vous raconte que les États-Unis, ce sont les bons qui font le bien, et pendant ce temps-là, sa nouvelle administration est en train de préparer toute une série de guerres en Russie, en Chine, à Taïwan, contre l'Iran et au Cameroun, il ne faut pas l'oublier. Ce sont les cibles pour les prochaines semaines. La première chose, c'est que l'Occident a conduit un système qui est basé tout d'abord sur la domination culturelle. La domination culturelle, elle est basée sur la guerre culturelle. Il s'agit de démolir toutes les civilisations originales, les cultures originales. Il s'agit de remplacer ça par ce qu'un écrivain américain lui-même a appelé le Macworld, c'est-à-dire la civilisation globalisée mondiale, Hollywood, McDonald's, Coca-Cola, etc. Le premier colonialisme, il est dans la tête. Il faut détruire l'idéologie occidentale dans les têtes. Marx avait déjà écrit là-dessus il y a longtemps, et le grand Fanon. Ce que moi, je me sers de Fanon pour expliquer à des Européens qui sont colonisés à l'Ouest, comme je m'en sers pour expliquer à des Africains combien ils doivent se décoloniser en Afrique. J'ai eu la chance, j'ai été ami en Libye avec le professeur Marcel Manville, qui a été le secrétaire de Fanon, c'est le fondateur d'Imrap, le mouvement de résistance et d'amitié entre les peuples. Et Manville m'a expliqué combien la pensée de Fanon était fondamentalement la pensée anticolonialiste. Si l'Afrique veut se redresser, elle doit arrêter de se voir dicter le beau et le bien, écouter Canal+, se voir dicter les mots américains ou français, suivre des séries occidentales. Est-ce que vous pensez que dans la Russie de Poutine, on fait la promotion aujourd'hui de séries occidentales? Les Russes, comme les Chinois, ils produisent leurs films, ils produisent leur musique, ils défendent leur cuisine. C'est cela que l'Afrique doit faire. Le colonialisme, il commence dans les têtes et c'est là-bas qu'il doit être extirpé. Et quand je dis extirpé, je dis avec les forceps, comme quand une naissance est difficile. Afrique Média, le monde, c'est nous.